Direct, 2 août 2025, 5h08 du matin. Donc, il y a probablement personne du Québec. Il va sûrement y avoir des Européens. Donc, je vais attendre que vous arriviez. Oui, il est tôt. Il est tôt, mais je me suis levé à 4h30 du matin. Puis, c'est aussi bien faire le direct à partir de 5h. Donc, grosse semaine. On a eu une grosse semaine. J'ai, à force de prendre des notes puis d'observations, j'ai cru repérer une structure au niveau des agissements des Américains par rapport à leur guerre économique. Ce qui a permis d'anticiper certains de leurs derniers mouvements, on va le dire comme ça, ce qui était profitable. Donc, est-ce que les Américains il n'y aurait pas, si on veut dire, comment je pourrais dire ça. Oui, moi, je vois une structure dans leur façon d'agir. Donc, mais c'est certain que par rapport à essayer de tout le temps d'en prendre une recette, d'en faire une recette pour essayer d'anticiper tout le temps, c'est presque impossible. Donc, bonjour, Roselyne. Donc, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas une guerre compliquée au niveau de leur stratégie, de ce qu'ils font vraiment. C'est grossier un peu. Donc, c'est anticipable. Il y a possibilité d'anticiper. Grâce à ça, j'ai pu dépasser le 100% de rendement cette semaine. Mais parce qu'il y a des choses qui sont pas passées, qui n'ont pas été accomplies complètement, qui n'ont pas été exécutées au complet, je suis resté avec certaines positions, ce qui fait que c'est redescendu à 98% de rendement à peu près pour l'année. Mais il reste que je considère ça comme concluant. J'ai l'intention. Le problème, c'est que s'il s'agit d'une stratégie, que c'est réellement fait sciemment, ça veut dire que il va y avoir changement de structure tôt ou tard pour tenir compte de ceux qui ont repéré qu'il y a une structure. C'est comme ça, ce qui est normal. Puis je verrai à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Il y a 5 personnes. Donc, est-ce qu'il y a des gens du Québec qui sont déjà debout? C'est très rare, hein, 5 heures du matin au Québec, que des gens soient debout un samedi matin. C'est quand même assez rare. Ça dépend, là, des activités des gens. Les gens, là, quand c'est le temps de la pêche, là, certains temps de l'année, il y en a qui se lèvent tôt. Mais bon. Bonjour, Daude, Daude, Ludaude. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez parler? Comme je vous dis, par rapport à ce qui se passe avec les Américains qui viennent encore de ressortir leurs histoires de nouveaux frais de douane. Oui, moi je vois une structure. Puis oui, c'était prévisible. C'était prévisible. C'est possiblement à l'automne que ça va vraiment démarrer. Ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de préparer des mouvements. En tout cas, on verra ensemble. Je ne vais pas trop m'avancer, mais il reste qu'à date, moi, ça marche. Un petit look. El Chapeau. C'est pas très gentil de me dire des choses comme ça. Je suis pas assez gros. Je suis pas assez gros pour me faire dire des choses comme ça. Et le chapeau, il a l'air d'un petit trapu. Non, je suis pas assez gros, là. Pense pas. Je trouve ça très exagéré. Donc, je parle de ce qu'il y a des sujets intéressants. Est-ce qu'il y a des sujets intéressants? Qu'est-ce que j'y avais? Il y avait des choses que j'avais oubliées la semaine passée, mais si je suis assez occupé dans les derniers temps, je suis préoccupé. Disons qu'il y a beaucoup de choses, ça a été beaucoup de travail, puis c'est fatigant. C'est fatigant, mais ça en vaut la peine, ça en vaut toujours la peine là, d'observer, de comprendre ce qui se passe. Maintenant, agir en conséquence, puis de passer de la pratique, de la théorie à la pratique, c'est là que ça devient difficile. C'est là que je trouve ça épuisant. que je vous mentirais pas, là, c'est éprouvant, même. Je trouve ça éprouvant, je trouve ça difficile. Je suis fatigué. Bien franchement, je me lève. Pourquoi là, je fais un direct à 5h du matin? C'est parce que je me lève, je prends l'habitude la semaine, je me lève à 4h30, 3h du matin, 4h30 du matin. Donc, rendu la fin de semaine, pourquoi briser ça? Ces temps-ci, je m'endors vers peut-être 8h30, 9h30, 10h le soir maximum. C'est une vie déplaisante. Ben franchement, c'est un petit coup à donner. C'est un petit coup à donner pour être tranquille après. L'été, ils ont fait de l'été, comment je pourrais dire ça? L'été qui est habituellement une période tranquille, ils en ont fait quelque chose d'agité. C'est la première fois que je vois ça depuis 2019, vraiment, là. Quelque chose. Ben, je pense que j'ai jamais vu là, en général. Ce que les Américains font d'intervenir sciemment. Je veux dire, c'est tellement au grand jour, c'est tellement brusque, c'est tellement. J'ai du jamais vu, y a personne qui a jamais fait ça. Dans l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la politique étrangère, puis de faire des choses comme ça, d'arriver straté. Surréellement, c'est un peu comme s'il y avait. On pourrait appeler ça. Moi, je considère que c'est des tactiques d'intimidation, puis c'est du racket, mais c'est à l'échelle de la politique internationale. Puis on est arrivé à un point où ils sont tellement, quand, il y a plus des, il y a plus aucune espèce de finesse, il y a plus aucune espèce de, c'est au grand jour, c'est complètement, j'ai jamais vu ça personnellement. Vous, si vous avez des commentaires sur comment est-ce que c'est possible qu'on en soit rendu là, on est vraiment poussé à bout. Oui, c'est une stratégie de l'attention, mais là, c'est rendu dans. Ça a jamais été poussé, je pense, à ce niveau-là. Vraiment, là. C'est complètement déculpabilisé ce qu'ils font. C'est au grand jour. Moi, je considère que c'est au grand jour. Parce qu'il y a un sous-texte, si on peut dire. C'est tout le temps, il y a tout le temps de menaces en filigrane. C'est vraiment des tactiques de racket puis d'intimidation. Carrément. Complètement, c'est du jamais vu. Les Américains ont tout le temps agi d'une certaine façon, mais maintenant, si vous voulez une protection militaire, faut nous payer. Vous voulez pas payer, on lance des briques dans vos vitrines de commerce. C'est comme ça. C'est réellement comme ça. S'ils agissent vraiment comme des bandits, c'est vraiment, même, je dirais, ben, c'est des tactiques qu'on voit dans des milieux mafieux. C'est de la politique internationale. C'est écœurant, oui. Oui, mais ça a tout le temps été écœurant. C'était plus hypocrite avant. Si on regarde à l'époque comme Bush père, puis même par après Clinton, puis Bush fils, c'était tout aussi écœurant, mais c'était beaucoup plus hypocrite. C'était moins au grand jour. Là, c'est complètement déculpabilisé. C'est complètement. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Comment est-ce que je peux dire ça? C'est réellement. Le fond n'a pas changé. Le fond n'a pas changé. Mais il y a quelque chose. Le ton. Le ton, puis. Ça a changé beaucoup. Je trouve que c'est vraiment, là, ils ont aucune culpabilité, aucun remords, il n'y a aucune retenue. C'est très clair. C'est très, très clair. Puis, on a nos dirigeants à nous qui sont à la fois soumis tout en tenant des postures, si on peut dire, pour garder la face. Mais il reste que, c'est une soumission. Moi, ce que je vois à date, c'est une soumission. Puis, s'il n'y a pas une soumission, les Américains tournent la vis encore plus loin. Ils donnent un nouveau tour d'écrou, puis ils s'en foutent, là, complètement, quitte à, si vous pliez pas, si vous n'êtes pas soumis, ils vont tourner ils vont tourner l'écrou jusqu'à ce qu'ils prennent Poutine, l'indulgence en ce moment des Américains par rapport à Poutine au niveau de leur politique étrangère. Ce que Poutine fait, c'est bon au niveau d'un contexte international qui met les Américains en rapport de force par rapport à leurs négociations avec les autres. Ça leur prend un ennemi, ça leur prend un épouvantail à agiter, entre autres, comme une menace. C'est un peu ça qu'est Poutine. Au niveau de la façon dont les Américains, comme là, l'affaire là, de Trump et son ultimatum, c'est une façon pour les Américains de garder la face tout en mettant de l'avant leur stratégie où Poutine est un épouvantail qui sert à être rapport de force au niveau de leur négociation. Mais ce qu'ils font, c'est vraiment inacceptable. Je veux dire, je comprends même pas qu'au niveau de nos journalistes, nos politiciens, ils parlent jamais du fond de tout ça. Ils nous décrivent la surface. C'est des commentateurs de catch de sous-sol d'église. Décomplexés, oui, carrément. Bonjour, Phil. Donc, les Américains, justement, avec leur qui sont complètement décomplexés face à leur tactique pour négocier en position de force face à leur tactique, j'appellerais, moi, de racket. C'est du racket de protection, entre autres. Puis aussi, on vous force la main pour faire du commerce. Là, ils chialent, le Japon est trop fermé, blablabla. Ça rappelle un discours qu'il y a eu pour justifier la guerre de l'opium avec la Chine à une certaine époque, puis qu'il y a eu pour justifier aussi au 16e siècle certains ajustements par rapport au Japon, qui a été ouvert de force, qui est ouvert de force au commerce, puis après, justement, au 19e, c'est ce que les Américains font, ils ont jamais été aussi, c'est l'Empire britannique. Je veux dire, ça ressemble tellement à... Ce n'est... Ouais. Les vrais journalistes sont inexistants. Ou tout du moins, on ne les voit pas en France. Ben, ici non plus. Ici non plus. Puis, vraiment, on peut voir qu'absolument en Occident, je veux dire, est-ce qu'il y a un seul gouvernement qui n'est pas tenu par les agentures américaines, que c'est pas les agentures américaines sur le terrain qui dictent le narratif? Là, le Canada, par exemple, va reconnaître l'État palestinien, mais ça, c'est bon pour les Américains au niveau de leur façon de créer de la polarité qui ensuite va leur permettre de justifier une façon d'agir, tout en disant qu'en nous donnant un rôle, justement, comme si c'est nous qui antagonisons, alors que c'est totalement le contraire, il y a une projection d'inversion. C'est incroyable. C'est réellement incroyable. C'est à la fois très intelligent puis totalement inacceptable ce qu'ils font. Puis, au niveau économique, ce qu'on est en train de faire, c'est de garantir la suprématie des Américains en justement restant à la surface, puis le fait que nos politiques puis que nos journalistes n'abordent pas réellement les choses telles qu'elles sont d'une façon claire, précise. Ils ne le font pas parce que moi, c'est gros comme un éléphant, ce qu'ils font. Comme là, Trump qui sort encore des nouveaux tarifs, puis qui joue avec les délais, puis il y a une manipulation des marchés, puis ensuite on voit des mouvements qui anticipaient clairement des réactions, puis une mécanicité des marchés. Donc, c'est au grand jour, c'est des voleurs. C'est des bandits, je veux dire, c'est des gangs de rue, c'est des mafieux. Je vois pas comment appeler ça autrement. Mais comme je vous dis, je suis rendu, cette semaine, j'ai dépassé le 100% de rendement. Pourquoi? C'est pas dû au hasard. C'est pas dû au hasard, c'est parce que ça fait un bout de temps que j'observe ça, puis j'ai cherché un moyen d'exploiter, puis d'anticiper. Puis il semblerait que ça fonctionne très bien, quoique j'avais déjà un bon rendement, mais c'était pas aussi comme un roulement. Ursula qui se félicite des taux pour l'Europe. Oui, il négocie très mal, puis il s'en félicite des résultats. C'est des dindons de la farce, mais le dindon de la farce, c'est l'Européen moyen. qui se rend pas compte de ce qui se passe. C'est lui, statistiquement, qui sert à justifier des emprunts, pas individuellement, c'est au niveau d'une addition, d'une masse. C'est lui qui est, par une dame qui est non élue, qui est élue par qui, pour au niveau, pour comment ça se fait que, au niveau de négociation avec les Américains, ça prendrait des gens qui sont réels, qui vont réellement être, comment je pourrais dire ça, ils vont devoir se justifier d'une façon de responsabilité de représentation envers le. C'est incroyable, on envoie des pee-wee pour négocier avec les Américains parce que c'est ce qu'ils demandent, puis qu'au fond, déjà, on les accommode déjà d'avance. Puis les Américains se comportent réellement comme une des espèces de divas. Puis Trump, au niveau des rencontres internationales, ce qui en ressort, c'est que il y a tellement d'efforts qui sont mis au niveau de le ménager, au niveau de ses réactions, de le flatter. Le personnage qu'il est, de le flatter, c'est comme une diva très, très. On veut pas lui déplaire d'aucune façon. On veut pas lui déplaire d'aucune façon. Faut le flatter dans le sens du poil, faut le mettre en position où il va être traité, se sentir comme la petite princesse Disney qu'il est. Puis faut le traiter en conséquence. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est comme au niveau de la politique par rapport à Israël, au niveau de l'opposition de posture. De posture des pays. C'est inacceptable. Ça fait partie de la soumission repoussante, avilissante, dégradante de nos États envers les Américains. Il n'y a pas de pays indépendant, il n'y en a pas, là. Il y a un rapport de force qui est imposé, il y a un contexte qui était savamment construit, bien avant Trump, là. Puis bien avant Trump. L'électricité, par exemple, France, la TVA passe de 5,5 à 20%. Ah oui, ça, il faudrait que je vérifie, là, c'est quand même surprenant. Il faut parler de la taxe juste sur l'électricité. Il y a des taxes. C'est quand même incroyable. Au niveau de la fiscalité, comment ça se fait que les gens ont réellement voté pour, en France, pour un banquier Rothschild, je veux dire, qu'il y en a combien aussi, comme par exemple, prenez François Hollande qui disait que son ennemi, c'était la finance. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens sont incapables d'intégrer l'expérimental vécu au niveau collectif. Ils sont incapables. C'est incroyable. C'est complètement stupide. On a pourtant une production d'électricité qui nous permet d'être autosuffisants sur ça avec le nucléaire. Oui, ben ça n'a pas été fermé par Macron. Les Allemands aussi ont fermé leur plat, ils ouvraient des centrales au charbon. C'est quand même pas croyable d'être à ce point. Vous savez, moi, je suis un partisan du nucléaire. Bon, pas n'importe comment, pas sur des failles tectoniques près de la mer comme on a vu, là. Mais il reste que c'est vraiment le nucléaire en tant que source d'énergie. C'est plus difficile au niveau de la revente de justifier certains frais, ce qui fait que c'est en même temps parce que c'est la forme d'énergie qui, une fois les infrastructures faites, revient la moins chère et se repaie le plus rapidement. C'est aussi celle qui est la moins intéressante pour un certain type de gouvernance. Parce que on peut pas autant justifier d'étouffer les gens avec, l'énergie devient trop peu chère, malgré qu'à l'heure des blockchains, puis c'est un pensez-y bien. Les centrales ont été fermées par Hollande. Ah oui, ben oui, c'est une politique, ça, qui était déjà commencée. Je me rappelle très bien, étant enfant, d'avoir vu venir au monde la propagande anti-nucléaire. Réellement, de faire peur aux gens. Puis aussi ce qui est arrivé par rapport à Tchernobyl, de comment que ça a été instrumentalisé au niveau d'instrumentaliser les craintes des gens, de peur en même temps par rapport à un discours alarmiste général, le général comme Le nucléaire avant, déjà, on était dans une période, je veux dire, de ce que je me souviens des années 80, il y avait une ambiance de aussi de que les peuples étaient armés militairement avec le nucléaire, puis que on était sur, c'était la guerre froide encore, je veux dire, avant que le mur de Berlin, on nous faisait encore peur avec l'idée d'un conflit nucléaire, puis c'est de retour tout ça. Il y a des choses qu'on a essayées par intermittence, qu'on est en train de nous ramener en faisant des combinés. Des combinés. Quand j'étais enfant, il y avait les pluies acides, il y avait le, bon, comme le trou dans la couche d'ozone un peu, là, plus tard, qu'on nous montrait des images satellites, mais c'était des reconstitutions informatique, c'était des modélisations, dans le fond, qu'on nous faisait passer pour des images satellites. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses. Qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est psychologique. Tout ça est psychologique. Le but des Américains, c'est d'abord soumettre en esprit. On soumet l'esprit, les corps ensuite. Ça a tout le temps été comme ça au niveau des techniques de gouvernance. Pour gouverner les esprits, il faut gouverner les corps. On gouverne les corps par les esprits, et ainsi de suite. Ça va dans toutes les directions en même temps. Ça part de partout. C'est de gouverner dans toutes les sphères. L'individu. Mais bon, gouverner, ça le dit ce que ça dit. Ça dit ce que ça dit. Après, on avait eu un ministre de l'Agriculture qui ne savait ce qu'était un hectare. Ben, c'est souvent comme ça, je veux dire, même ici au Québec, au niveau de notre ministre de l'Éducation, c'est incroyable les erreurs qu'il fait. Ils sont pas au courant de leur dossier ni de leur ministère. On est dans le monde du représentatif corporatif, on est dans le monde du marketing, on est dans le monde du lobbyisme. C'est devenu ça, là. N'est-ce pas? Prenez un sous-ministre plus de pouvoir qu'un ministre de nos jours, parce que les ministres passent selon la saveur de le parti de l'époque, si on peut dire, mais les grands agendoristes. Hein? Ben oui, monde de pantin. Ben ça a tout le temps été. Mais comment je pourrais dire ça? Ça s'est sophistiqué en même temps que ça s'est. Il y a certains aspects, moi, que je trouve plus grossiers, comme je parlais avec les Américains. Les Américains, c'est parce qu'ils sont en position d'être décomplexés qu'ils le sont. Mais ça fait longtemps, là, qu'ils auraient pu se mettre à jeu comme ça, mais ça a tout le temps été comme ça, un peu. Mais par rapport à l'important, c'est de comprendre que, comment je pourrais dire ça? Les masses sont gouvernées par rapport à une science du fonctionnement de l'individu qui va, au niveau d'une mécanicité, être liée à le fonctionnement interne d'une masse, si on peut dire. Il s'agit de pas se laisser gouverner en tant qu'individu. C'est là que se fait la sélection, jusqu'à un certain point, dans le sens que ben, c'est comme ce qui se passe en ce moment. Au niveau de s'il y a possibilité de le comprendre, de voir la structure intentionnelle derrière, de comprendre les plans dans les plans, on peut dire, au sens, il y a une stratégie globale, un agenda qui lui reste, mais il y a une tactique qui, elle, s'adapte au niveau du terrain, s'adapte avec lui. S'il y a possibilité d'analyser tout ça, s'il y a possibilité de le comprendre, ben, il n'y aura pas de gouvernance au sens de l'individu, c'est-à-dire vous allez être dans un écosystème systémique en tant qu'individu qui tire son épingle du jeu. Je pense que c'est un peu ça le but. Moi, à mes yeux, je le vois comme ça. L'affaire, c'est pas au niveau moral de se positionner, est-ce qu'on est pour ou contre le système. L'affaire, c'est d'être logique, puis de fonctionner avec. Être créatif, c'est faire avec les choses comme elles sont. Moi, c'est sur l'essentiel de mon propos, depuis toujours. Donc, l'affaire de Pantin. Est-ce qu'on peut s'excuser par le contexte d'être Pantin si on le sait, si on le voit? Mais à un moment donné, il n'y en a pas, là. Désolé pour la remarque, là. Chapeau, je pensais que non, c'est correct. Non, non, je l'ai pas pris mal. Je l'ai pas pris mal. Peut-être moins que je suis moins porté à. Ces temps-ci, je suis. Je m'occupe tellement de choses, je veux dire, ça arrête pas, hein, ça arrête pas. Comme je vous dis, peut-être que oui, moi, comme je suis moins important à me raser, ça me tente moins. Ben, c'est ça, je suis occupé. Je suis occupé, je passe des fois, comme je vous dis, c'est des fois à partir de 3 h du matin, aller regarder les cours. Il y a des choses qui ferment jamais. Puis là, de plus en plus, c'est un contexte macroéconomique dans le sens de mondial qui va avoir des influences après, dans le sens que le soleil se couche jamais sur cette systémique-là. Il y a tout le temps quelque chose. C'est d'être à l'affût tout le temps. Ça devient fatigant. Ça devient fatigant, mais on vit à une époque où est-ce qu'on peut se permettre de faire autrement? D'un autre côté, je me rends compte que c'est pas un mode de vie sain, dans le sens que, bon, prenez, regardez les niveaux de cancer chez les amis, ils sont plus bas, on pourrait parler de quelque chose de peut-être plus sain. Mais d'un autre côté, se lever à l'aube, que ce soit pour, par rapport à si vous êtes sur une ferme, ou tout simplement pour regarder ce qui se passe dans la ferme dont on fait partie, en général, c'est différent, mais ça revient au même un peu aussi. Mais il reste que le contexte en ce moment, ce qui est en train d'arriver, on est dans une période de transition. Nous sommes dans une période de transition. Il y a des personnages clés forts qui ont été, si on peut dire, triés, qui ont été modélisés, qui ont été profilés pour des tâches liées à un contexte de transition qui sont là. Puis pourtant, on regarde ça comme si c'était fortuit. Collectivement, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de fortuit dans ce qui se passe. Ça fait des années que, comme, il y a certaines choses, oui, qui c'est possible de voir venir, mais dans le détail, comment ça va être mis en pratique, comment ça va être appliqué, c'est difficile. Souvent, on fait miroiter une menace, on fait miroiter un possible qui n'est pas enviable pour détourner l'attention. Puis c'est autre chose qui est mis en place. C'est pour ça que il y a certaines choses, il y a certaines craintes qu'il y avait par rapport à des proches, par rapport à des gens dans mon entourage que j'avais pas parce que je considérais ça comme des diversions. Je considérais ça comme des diversions, même au niveau des narratifs alternatifs par rapport à des médias alternatifs, il y a des diversions qui sont mises en place et mises en place à partir de ces choses-là supposément alternatives. Alors que ça fait partie du système. Ça fait partie des modes de gouvernance. Ça fait partie. Les médias alternatifs sont aussi menteurs souvent que les médias officiels. Mais simplement, c'est de proposer des alternatives. Il arrive aussi des fois que c'est le média officiel qui va vous dire la vérité, mais il va avoir, c'est des jeux de transfert d'énergie au sens de votre attention. On transfère votre attention au niveau d'un champ qu'on pourrait dire, c'est la même chose que les magiciens. Dans le sens, les prestidigitateurs, c'est vous faire regarder. C'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, bon matin, petit Jésus. Donc, jusqu'à un certain point, c'est indirect important. Ce matin, parce que réellement, moi, je suis dans une phase de, je constate au niveau d'un passage de la théorie à la pratique, je suis rendu à un point de constater qu'il y a certaines choses que oui, c'était ça. C'était réellement ça. Ça fonctionne réellement comme ça. Bonjour, Zo. C'est réellement comme ça. Puis non, c'est pas fortuit. Puis non, c'est pas non plus. C'est tellement, des fois, c'est tellement surprenant, c'est tellement ridicule. Comme l'affaire, comme je vous dis, oui, il y a une structure au niveau dessus. Là, je commence plus à venir à bout d'anticiper au point de bouger quand c'est le temps. Parce que je mets en pratique ce qui a été noté et ce qui est intégré, mais comme je vous dis, quand il y a ça devient trop facile à prévoir, ça passe d'une structure à une autre. Il y a réellement une sorte de stratégie globale au niveau de la psychologie de masse dans la façon dont Ben, les événements sont pas dans le sens que c'est déroutant, pas tant que ça. Pas tant que ça, je trouve pas. Peut-être que nous devons nous. Peut-être que nous devons nous attendre à quelque chose de plus, comment dire, plus dramatique que la crise COVID. L'affaire, c'est que là, ça va être les crises multiples. C'est ça que je vous disais dans le sens que là, ils vont faire des combinés. Ils vont faire des combinés. C'est comme, c'était pas assez comme dans le temps au niveau de menaces psychologiques par rapport à la guerre froide. Puis on est passé de la guerre froide à la guerre au niveau stratégique, économique, de l'énergie, à la guerre du Golfe au niveau de, pour justifier des mouvements de restructuration au niveau de moi, ce que je considère comme des conquêtes, puis des, on s'en va vers des combinés de tout ça. Je veux dire, la première guerre du Golfe, je me rappelle l'avoir suivi, puis par après, quand il est arrivé, ce qui est arrivé après le 11 septembre, c'était pas comme c'était si surprenant, c'était pas comme toutes les conneries, tous les mensonges qui ont été sortis. Colin Powell, qui était lui-même, c'est lui qui avait aidé à couvrir le massacre de My Lai, le village de My Lai pendant le temps de la guerre du Vietnam. Puis à un moment donné, c'est fait juste assez visible pour qu'au niveau de leur façon de voir le monde, que ce soit possible de se repérer pour l'individu qui en a la capacité, mais s'il essaie réellement de le souligner puis d'en parler d'une façon publique, ça devient difficile. Ça devient possible. C'est pas que c'est déroutant, mais c'est bien fait à ce niveau-là. Mais c'est au niveau de le gouverner à ce niveau-là, c'est aussi gouverner au niveau de les modes de pensée, les logiciels d'appréhension puis de traitement de l'information puis au niveau du langage. Donc, nous sommes dans un contexte où c'est pas nous qui décident des clés sémantiques. C'est très difficile de sortir de cette bulle-là collective qui est mise en place pour aboutir à un langage, à une vision, à un paradigme, à un niveau d'échange réellement objectif d'une façon macro par rapport à ces structures-là de gouvernance dans lesquelles les individus, en tant qu'animaux sociaux conditionnés, sont maintenus dans des enclos plus ou moins solides, plus ou moins, hein? Bonjour, Napoléon était un personnage d'une époque de changement. Transition aussi, je dirais, on est passé du féodalisme technique à l'impérialisme, bancaire. Encore plus. C'est des programmations. Au fond, ça dépend. Des programmes, il y en a à différents niveaux. Mais oui, il y a des agendas. Je veux dire, il y a quelqu'un qui écrit la musique. On voit que ça fonctionne en cadence. On voit que ça fon... il y a une... il y a une structure, il y a une logique. Donc, il y a des chefs d'orchestre. Donc, il y a des compositeurs. Donc, il y a aussi des solistes. Il y a aussi des... il y a des impro... il y a des savants improvisateurs aussi qui viennent ajuster. Comme des techniciens, comme il y a aussi toute il y a aussi toute une mécanicité de théâtre, puis il y a aussi toute il y a différents corps de métier, notamment des techniciens de scène, j'appellerais. Donc il y a des crieurs de rue, il y a toutes sortes de choses. Donc l'affaire des programmes, moi je dis, c'est surtout oui, il y a des programmes parce qu'il y a une systémique. Il y a une systémique parce qu'il y a une mécanicité. Il y a une mécanicité parce que justement, il y a une volonté appliquée. Il y a quelque chose aussi de comment je pourrais dire ça? Il y a mise en place de dispositifs liés à des techniques séculaires qui se sont adaptées au niveau d'un contexte. Donc, tout ça, c'est de la sociologie, entre autres. L'affaire. Est-ce qu'on est l'affaire des niveaux de conscience, ces affaires-là, ça servait à perdre le monde, ça. Pendant que le monde il tripe sur les niaiseries, de niveau de conscience. Premièrement, dernièrement, il y a beaucoup de gens qui meurent. On est en période de transition, puis on dirait que là, c'est des icônes qui partent. Beaucoup d'icônes qui partent. Au Québec, on en a un, là, un musicien, comment je pourrais dire ça? Un musicien qui était une musique de transition, on pourrait dire, jusqu'au niveau collectif par rapport à entre autres, cathartique, puis aussi au niveau de la projection identitaire, puis la captation de l'énergie du peuple en tant qu'identité, en tant qu'entité, ce qui s'appelait Serge Fiori, il était d'origine italienne, que ce monsieur-là est décédé. Puis, mais quand on regarde l'œuvre, c'est des hippies. Je veux dire, c'est des Américains, puis c'est des Britanniques quelque part au niveau de l'esprit. Pourquoi quelque part? Parce que jusqu'à un certain point, ça rejoint la mode du 19e siècle des affaires philosophiques comme les Rose-Croix, puis des choses comme ça. Puis techniquement, moi, à mes yeux, c'est des phénomènes liés à l'impérialisation du monde occidental. Au niveau d'adaptation locale, un peu comme le fait que McDonald's, ben, il adapte son menu dépendamment il est où dans le monde. Papier, j'ai pas le temps de vous lire. Donc, Serge Fiori, qui est pas sciemment, c'était pas sciemment un agent de transition d'une mentalité à une autre par rapport à un contexte puis une époque, c'était pas voulu puis il s'en rendait pas compte, mais il reste que c'était ça pareil. Ça a été un véhicule de ça. Une des constatations puis des preuves pour moi de ça, c'est l'impact qu'il y a eu. L'impact qu'il y a eu au niveau collectif. Parce que je peux vous dire que quand c'est pas sciemment puis que quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il fait, il reste pas dans le, ça, ce qui peut expliquer peut-être aussi qu'il y avait un savoir inconscient de ça. Une constatation de fait, ce qui peut expliquer que plus il devenait populaire puis connu, plus ça allait pas, plus il était dépressif, puis plus il voulait être dans l'ombre. Au niveau psychologique, on sait jusqu'à un certain point, c'est juste, on peut pas nécessairement le mettre en mots, le formuler consciemment au sens d'en faire, au niveau du langage, être capable de le transmettre clairement, puis des fois on le voit pas clairement par rapport à nous-mêmes, mais l'information est là pareil. Donc, il y en a qui fait le pas. Ce n'est pas fini, les départs avec les baby boomers qui vieillissent, ben surtout le mode de vie qu'ils ont eu, les valeurs qui ont été les leurs. Ils peuvent pas vivre vieux comme leurs parents. Je veux dire, du monde de 89 ans, ça va être rare, je suis dans cette génération-là plus. Hein? Bonne analyse de Fiori. Ben, moi, le monde, des fois, il dit, ah, oh, moi, je suis méprisant, puis je catégorise les gens, je mets les gens dans des catégories méprisantes. C'est pas nécessairement le cas. Je suis capable de reconnaître que oui, il y avait quelque chose, puis oui, je veux dire, Harmonium, c'est pas les drogués qu'on nous a vendus dans les médias au niveau de l'opinion populaire. C'est pas la gang de hippies complètement gerée, mais c'était pas non plus les génies que leurs fans ont essayé de nous vendre par après. Faut pas non plus exagérer, c'est la réalité est dans le milieu un peu. Puis il reste que bon, c'est pas de la marde, mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas, si on regarde, si on prend un pas de recul, puis on regarde dans l'ensemble, c'est pas du très très sain d'un bout à l'autre non plus. Mais c'est le cas de n'importe quoi. Mais l'impact qu'il y a eu était trop grand pour pas considérer que ça faisait pas partie de l'esprit d'un temps. Ça fait plus partie de la programmation que d'une conscience des programmes. C'est ça que je veux dire par rapport à des phénomènes de même, culturels de même. Radio-Canada nous a poussé Fiori dans le fin. Et voilà. Donc, chercher l'erreur, c'est louche, là. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Parce que les personnages qui font partie de la conscience collective vont être poussés de l'avant. Les personnages qui ont une conscience du collectif puis des mécaniques occultes de ça, eux autres, ils vont jamais être poussés de l'avant. Eux-mêmes, ils vont se tenir loin. Parce que, justement, pour rester en dehors de. Puis continuez d'être capable de travailler en dehors d'eux. Vous êtes mieux de travailler dans l'ombre si vous voulez travailler les affaires cachées, qui sont réellement cachées. Vous pouvez pas. Prenez comme harmonium son affaire de les sept niveaux de conscience, puis c'est parfaitement dans les modes ésotériques de son temps. Je veux dire que ce qui est considéré comme leurs albums les plus aboutis, puis qu'il n'y en a pas eu beaucoup, là, je veux dire. Mais il reste que, oui, c'est poussé dans le sens de sophistiqué. C'est sophistiqué dans le sens de rechercher, pas dans le sens de créatif. Pas dans le sens d'une ergonomie de la forme par rapport au confort de la circulation de l'énergie, si on peut dire. Mais là, c'est des images que j'emploie, mais il reste que ça a quelque chose d'étriqué. C'est juste que dans le temps que ça a été fait, c'était comme libérateur, puis c'était vu comme le contraire. Alors qu'au fond, c'est s'enfermer encore dans des formes. C'est dans le sens que on est supposé devenir des scientifiques de la géométrie, de la mécanique de la forme. On est supposé devenir des architectes. On est supposé devenir des, pas des, on n'est pas supposé rester des artistes au sens comme des poètes. Un poète, ça construit rien, dans le fond. Oui, ça construit de quoi, mais ça se construit tout seul. Je veux dire, un vrai poète, ça se fait tout seul. C'est un être qui a une certaine sincérité au sens par rapport à sa sensibilité. Il va se laisser être, si on peut dire. C'est un poète. Tandis que c'est pas ça. Je veux dire, là, c'est juste comme un animal ben sensible, cute, là. C'est comme un petit lapin, un beau petit lapin. Mais c'est pas mal, je suis pas en train de dire que c'est pas correct, c'est pas ça, mais c'est pas le lapin qui va construire une civilisation. Il en fait partie, mais c'est pas ça dépend dans quelle strate qu'on veut être, c'est quelle sorte de il y a beaucoup de choses comme ça, comme par exemple l'affaire en ce moment, on sort beaucoup du fait. C'est incroyable. Moi, je regarde, je me rappelle, je me souviens les années 80, 60. Il y avait encore l'esprit des années 70, dans les années 80, que ça, il y avait des traces qui étaient là. Puis le côté décomplexé par rapport à la déconstruction de ce qui avait été structurellement perçu comme rigide avant. Les gens se permettaient des choses qui se permettraient plus. Qui se permettrait plus. Il y avait des choses qui passaient à la télévision qu'aujourd'hui, ça passe pas. Ça passerait pas. Puis, par rapport aussi, l'espèce de. C'était vraiment déculpabilisé, c'était vraiment décomplexé, l'espèce d'esprit. De qu'il y avait. Là, c'est passé à un autre niveau. C'est encore, ça, c'est dans les aspects, oui, c'est plus décomplexé, mais c'est plus sournois. Parce que là, il nous arrive des nouveaux arrivants d'ailleurs, qu'eux autres, ils comprendront pas cette espèce de masochisme-là, d'autodestruction. Ils vont pas le comprendre de la même façon. Là, on est rendu à un point, on va vouloir essayer de déconstruire l'autre. Tout ça, c'est très intéressant, mais d'un autre côté, c'est terrible ce qui s'en vient. C'est terrible ce qui s'en vient, dans le sens que comment voulez-vous que les jeunes de maintenant, les jeunes de maintenant, soient capables d'avoir une science intégrative du contexte dans lequel ils sont? C'est impossible. C'est absolument impossible. De la même façon que c'est impossible pour moi, par exemple, même si j'étais très à l'affût, puis déjà j'essayais de comprendre, puis c'était impossible pour moi en 97 de voir certaines choses que par après je l'ai vu à force de, comment je pourrais dire ça, la répétition d'un malaise qui était de l'information qui démontrait qu'il y a quelque chose qui va pas, puis que j'ai pu remonter jusqu'aux époques où ça s'est ancré, puis de comprendre que il y avait chez moi été implanté des programmations qui sont illogiques, qui sont irrationnelles par rapport à ce qui est réellement mon intérêt en tant qu'individu. Il reste que on est encore armé un peu. Autant que les générations passées avaient une certaine naïveté qui réussit à les protéger, autant que là, cette naïveté-là nous rend vulnérables, nous rend, nous sommes en transition, c'est-à-dire il y a encore un changement d'époque, il y a encore un changement, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on appellerait des époques charnières. Il y a quelque chose qui ouvre, puis il y a d'autres choses qui se ferment. L'affaire qui va être déterminante par rapport au positionnement dans ce qui vient au niveau individuel, c'est lié de plus en plus à une capacité, justement, soit de se laisser aller au sens de suivre une vague par rapport à... On dirait qu'il y a de la détermination, de la prédétermination par rapport à... Prenez comme une colonie de fourmis. Bon, au niveau... Il y en a telle sorte qui va être prédisposée à faire telle chose, telle autre sorte qui va être prédisposée à faire telle chose. Telle... Mais ça se fait à leur insu, puis ils se posent pas de questions, puis ils l'intellectualisent pas non plus. Aujourd'hui, nous, on est à l'étau, ce qu'on est, c'est qu'on a tellement intellectualisé les choses, on a tellement développé de sciences molles, de sociologie, de cégep, puis de que finalement, il n'y a plus rien qui a de sens, puis aucun repère. On entre dans un temps où il n'y en a pas de repère, où on le sait, des structures molles, fluides. C'est lié à la fluidité, la circulation, autant rapide, anormalement rapide, autant de l'information que des transactions. Que des transactions. Qui aujourd'hui pourrait gérer un portefeuille par téléphone? Ou comme ça s'est déjà fait par comme dans le temps, même que c'était par télégraphie, là. On est passé de la télégraphie au téléphone, le courtage par téléphone à du cliquage informatique. Je dois aller travailler. Merci pour ce partage matinal. Bonne journée à vous. Bonne journée. On entre dans le chaos. Nihiliste, Capec. Et dans la franc-mac, on tente en fantasme. Ben, moi, je trouve qu'il y avait quelque chose, par exemple, dans les années 90, qui était parfaitement nihiliste assumé, qui était en partie hérité des années 80, qui était pire que maintenant. Des fois, on est mélangé, dans le sens, comme je vous dis, il n'y a plus de repères. Ça se pourrait plus des jeunes blasés dans une forme de nihilisme quelque part qui grave New Future partout. Dans le sens, c'est plus pareil. On est passé d'une forme de romantisme à une forme de voracité qui est une, on retourne dans de la fureur de vivre. Comme les faux rebelles de carton-pâte des années 50. C'est quand même curieux. Mais moi, je trouve les gens maintenant sont moins... je les trouve un petit peu moins... c'est drôle, hein? Sont moins cyniques tout en étant plus... on dirait qu'ils sont encore plus enclins à se perdre dans des extrêmes, par contre. Est-ce que les gens sont plus lucides ou moins lucides? L'un ni l'autre, hein? Bonjour Naomi. Je suis né en 94, j'ai pas trop connu cette époque. C'est sûr que c'est comme ben pour moi, 94, c'est récent, dans le sens que même j'ai une certaine nostalgie de cette époque-là. Mais c'est tellement difficile à décrire. C'est quoi l'esprit d'un temps? C'est quoi l'esprit d'un temps? C'est quoi? Jusqu'à un certain point, ça va être avantageux d'être né. Je parle pour certaines choses, pour d'autres choses, on est. Mais il reste que les clés d'intégration, de vision d'ensemble, là, je trouve qu'on est désavantagé à court terme. Les nouvelles générations. Un petit peu. D'un autre côté, quand je regarde la génération de mes parents, ils étaient désavantagés, mais à un autre niveau, dans le sens que, en tant que Canadien, de que Québécois, enfermé dans une sorte d'identité collective un petit peu, comment je pourrais dire ça, eux autres, il y avait une forme d'idéalisme qui était irrationnel un peu, mais naïf, qui était naïf. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui, Je veux dire, la génération de mes parents, ils voyaient les affaires comme le Dow Jones, les indices boursiers aux nouvelles, les choses comme ça, puis ils comprennent pas, puis ça, c'était pas grave, ça les dérangeait pas. Les jeunes d'aujourd'hui, jusqu'à un certain point, sont, moi, je trouve, les nouvelles générations, ça va être plus facile de se former puis de devenir, de comprendre tout ça en moins d'un an que ça l'aurait été pour la génération de mes parents, par exemple. Il y a ça, là. Il n'y a plus la culpabilité. Moi, quand j'étais enfant, c'était mal vu une certaine réussite trop rapide, c'était suspect, c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est des valeurs complètement différentes. On sait, comment je pourrais dire ça, on est plus proche maintenant collectivement des valeurs liées aux doctrines de la prédestination, comme on la voit chez les protestants anglo-saxons puis d'Europe du Nord, que la culpabilisation puis la moralisation au niveau de la spiritualisation du matériel puis des biens matériels, comme on l'avait dans le catholicisme. Dans le sens, la mondialisation est là, l'impérialisme est là, dans le sens que on est en train de se faire romaniser par des Anglais. Aujourd'hui, l'Empire romain, c'est les Anglo-Saxons, c'est eux autres qui mènent l'Occident. Puis, au lieu de, on se fait délatiniser pour se faire anglo-saxoniser au niveau de notre mode de perception, au niveau des valeurs, entre autres, puis de la façon, notre logiciel collectif de traitement de l'information. De plus en plus. Ce que je vous dis là, c'est pas des affaires de blabla intellectuel. C'est très, très concret. C'est des choses simples. C'est pas compliqué à comprendre. Je vois pas ça comme, je vois pas ça comme compliqué. Hein? Hey, bonjour. Bonjour, Naomi. On a un accès incroyable à l'information comparé aux boomers, mais ma génération ne sait pas trop utiliser cet accès. Je pense qu'il y a une façon aujourd'hui, c'est de noyer. Autant avant, il y avait une absence jusqu'à un certain point de l'information, il y avait une sélection pour diriger jusqu'à un certain point, pour conditionner. Aujourd'hui, c'est de noyer l'individu dans l'information, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les clés au niveau d'un discernement, d'avoir la capacité de discerner l'information, il est noyé dans l'information. C'est là où l'instruction publique qui a pris le pas sur l'éducation devient dangereuse parce que c'est un trop grand pouvoir. C'est les institutions publiques qui définissent et distribuent les clés d'appréhension au niveau de la façon de ce qui la façon de former l'individu, de sa façon justement de placer dans l'information. C'est là où les parents y ont un rôle de plus en plus important, même si c'est pas nécessairement vu comme ça, là. Ma génération croit beaucoup au récit radio-canadien. Ben, autant que celle, la génération des gens nés dans les années 40, je le sais pas. La génération, moi, que j'ai connue, qui était la moins, qui était la plus imperméable, qui était la, c'était des gens qui étaient nés, c'est quand j'étais enfant, quand j'étais vraiment très, très jeune, des gens qui étaient nés à la fin du 19e siècle. Parce que quand j'étais enfant, c'est chez cette génération-là que j'entendais des choses comme il faut pas croire tout ce qu'il y a à la télévision. Faut pas croire tout ce qui est dans les journaux. C'était des gens extrêmement méfiants qui avaient vécu justement différentes périodes au point d'être, comment je, pas blasé, mais, comment je pourrais dire ça? On y en avait vu d'autres, on va dire ça comme ça. Il y en avait vu d'autres. Puis, parce que si je regarde maintenant, c'est plus la si je regarde maintenant, cette génération-là sont toutes décédées, là. C'est vraiment, moi j'ai, c'est des souvenirs très lointains parce que c'est des gens qui sont morts quand j'étais quand même encore assez jeune. Mais si je regarde la génération des parents de ma mère, comme ma grand-mère, qui a vécu la Grande Dépression, qui a vécu après les années 40, qui a vécu les journaux que c'était bon, Hitler envahit la Pologne, la Tchécoslovaquie, bla. Elle aussi, c'est sûr que par après, quand j'étais plus adolescent, puis c'est le regard qu'elle avait par rapport à des choses comme George W. Bush, le fils, ou même le père, c'est complètement une autre. C'était à mi-chemin. C'était à mi-chemin. Tandis que la génération de mes parents, mon père, ma mère, c'est-à-dire des baby boomers, des gens vraiment qui ont été dans les années yéyé, puis toute cette marde-là que c'était américain ou britannique remâché puis remis en français, puis on gavait la jeunesse avec de la pure merde. C'était le début de quelque chose. Eux autres, oui, c'était Radio-Canadien mur à mur, mais c'est parce que c'est une génération qui s'écoute elle-même. Qui s'écoute elle-même, je dirais ça comme ça, puis qui a pas écouté ses parents, qui a été rebellé contre ses parents, la génération de ses parents, qui eux-mêmes, il y a eu un commencement de rébellion par rapport à leurs parents. Ben, il y a une coupure avec quelque chose. C'est peut-être nécessaire, mais toute période transitive est inconfortable. On peut le voir comme ça. Donc, c'est pas compliqué, tout est fait pour nous ralentir, détourner notre attention à notre propre évolution individuelle. Ouais, mais d'un autre côté, moi, je considère que nous vivons une époque où on sert de l'évolution individuelle, puis le développement personnel, puis toutes ces affaires-là pour détourner l'individu des autres, puis le recentrer sur son nombril, puis le rendre encore plus individualiste, puis encore plus égoïste, mais tout en se pensant généreux, puis humble, puis moi, je vois un petit peu, entre autres, le contraire de ça, là. Parce que là, vous me dites, ralentir, détourner notre attention de notre évolution individuelle, même on pourrait dire de notre involution individuelle, dans le sens que si vous voyez ce qui est involutif, vous évoluez, c'est-à-dire il y a intégration de réel. Il y a ce qu'on a. Bon. Je sais pas. Moi, je trouve, prenez, par exemple, la pandémie, je trouve que le monde était pas très. Ça aurait été impossible il y a 30 ans. Parce que justement, les gens étaient moins, il y a 30 ans, ils étaient un petit peu moins, je trouve, un petit peu moins concentrés sur eux-mêmes. Entre autres. C'est incroyable comment ça a actionné des leviers liés à la peur, puis au niveau social, liés à la survie, de façon à ce qu'il y ait eu possibilité de créer de la polarité, puis de tout diviser en deux groupes, puis de les laisser. Tout le monde était détourné, autant ceux qui embarquaient que ceux qui embarquaient pas. C'est très rare. Comme les années que ça a duré, où je disais, c'est important de pas être dans la confrontation, puis de pas se laisser diviser, puis de pas de certaines conversations. Moi, j'ai eu aucune division au niveau de ma famille, rien. Genre, je faisais attention, ni de fous, ni de, bon, hein. New of Quality, nouveau dictionnaire des mots à utiliser pour la communication inclusive qui nous vient de Bruxelles. Le mot Noël et le prénom Marie devient tabou. Ah oui. Prenez l'histoire du duché de Bourgogne puis regardez après la naissance de la Belgique à l'époque de Talleyrand. C'est, vous savez, ils l'ont gagné ce gars-là. Tout ça, c'est-à-dire les Anglais, les Suisses, les Hollandais, ben plutôt ce qui est derrière, la finance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils n'ont pas la même religion que nous, puis c'est pour des raisons génétiques. Pis là, je suis pas en train de faire une catégorisation généralisée de peuples. Je parle de un certain type d'individus qui, au niveau structurel, sont rendus à un certain niveau qui fait qu'il y a une marionnettisation de ce qui était l'ancien ordre. On va le dire comme ça. Donc, l'affaire, ouais, qui contrôle le langage, pourquoi je disais ça? D'un autre côté, l'affaire de rendre tabou des choses comme Noël, puis des prénoms comme Marie. Est-ce qu'au niveau de la psychologie inversée, c'est pas en faire des amphores qu'on enterre puis qui vont être sortis plus tard avec un vin encore plus fort à l'intérieur? C'est comme pour ce qui est arrivé pendant les dernières années que je disais, les gens qui nous gouvernent ont l'air à la fois de connaître assez subtilement la psychologie humaine parce qu'ils utilisent des techniques liée à la psychologie de masse, mais d'un autre côté, il y a certains aspects de la psychologie de masse puis de la psychologie humaine qui ont l'air de totalement ignorés, puis qui, dont ils ne tiennent pas compte. Ça pourrait être dangereux. Brûle-moi ça. Ben, moi, je trouve que c'est important d'archiver et de, comment je, de documenter nos dérives collectives, nos erreurs. C'est important de se souvenir. Le vrai devoir de mémoire devrait être là au sens de ne pas répéter de la folie. Des folies, c'est de la folie à un moment donné. Comme ça, c'est une forme de. Prenez, le wokisme était gros, le wokisme était coloré, le wokisme était une cible qui était là. Regardez-moi pour attirer l'attention. Pourquoi? Parce que le véritable agenda est une version très édulcorée de ça. Il est beaucoup plus axé sur une forme d'identité internationaliste universelle. Donc, on nous menace avec des bâtons de baseball pour mieux après nous flageller à coups de baguette. On nous fait peur avec des choses énormes pour finalement nous racler avec des petits. Mais il reste que ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Vous voulez préserver une certaine culture, vous voulez préserver certaines valeurs. Il va falloir se préserver soi-même en tant qu'individu, mais sans sombrer dans une coupure au niveau de l'humain, de l'autre, de l'humanité. C'est-à-dire que même les gens qui sont à fond dans ces choses-là, puis il va falloir être indulgent. Faut être quand même assez indulgent. Ça fait drôle de dire c'est moi qui dis ça, mais des fois ça arrive, je m'exprime publiquement, donc des fois je force la note un peu pour me faire comprendre. Mais au niveau pratique de la vie de tous les jours, puis la vie en société, on peut pas se permettre de d'antagoniser à ce point-là nous-mêmes, parce que c'est embarqué dans le piège de la polarisation. Donc, ce genre d'affaires-là, non, non, pas besoin de le brûler. Par contre, au contraire, on faudrait le documenter puis en parler. C'est ce qu'on fait là. Je vois mieux, je trouve que c'est mieux encore. C'est mieux encore. Donc, prenez comme par rapport à ce qui arrive là, au niveau l'économie, prenez Trump, ce qu'il dit au public, puis Trump, clairement, n'a pas d'estime pour sa propre base, puis il considère, je veux dire, c'est gros comme un éléphant, puis il y a juste ses partisans pour se rendre compte qu'il les prend pour des cons. Prenez par rapport à tout l'aspect, le discours par rapport autour de la baisse des taux, Jérôme Powell, Trump va beaucoup appuyer le fait que ça va quand même bien, faut baisser les taux, alors que normalement, c'est parce que ça va plus ou moins bien qu'il faut baisser les taux, donner un coup de fouet pour. Tout est inversé au niveau des discours. Les journalistes puis les analystes, que ce soit au niveau de la politique puis de la finance, ne souligne pas certaines invraisemblances, certaines choses irrationnelles, qui seraient irrationnelles si on les prend au pied de la lettre. Ils soulignent pas l'aspect contradictoire de ce qui nous est dit. Ils sont tout le temps dans la polarisation du propos. Ils vont dire, ah, soit ils vont nous montrer Trump comme, mais c'est pareil dans tout. Alors que dans les faits, c'est savamment orchestré tout ça, là. Je veux dire, c'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas fortuit tant que ça, là. Il y a de l'imprévu, oui, parce que ça fait partie de l'application de, bon, il y a l'effet de surprise, il y a les effets de levier, il y a toutes sortes de choses. C'est un peu comme un coach de hockey qui vous fait un plan, puis qui vous, il va avec, sur un tableau, puis qui fait des, nous disons, bon, là, on va faire telle affaire, telle affaire. Il y a une stratégie. Il y a une stratégie qui est liée à la psychologie de masse, entre autres. Mais les gens qui sont censés nous expliquer, nous instruire et commenter ne le font pas. Dans le sens qu'ils commentent la surface des choses. C'est un peu comme si moi je voulais faire une émission qui parle de la culture, par exemple, au niveau sociologique, puis de l'analyse psychologique, puis du rapport que les masses entretiennent à ça, puis que des répercussions dans le culturel, une étude complète du phénomène des soaps, des romans savants, si vous voulez, mais À la place, nous avons affaire à des gens qui ne parlent que au sens comme s'ils sont un public de ça. Il n'y a pas de vision méta, il n'y a pas d'analyse. Non, on est dans la surface, c'est-à-dire ces gens-là nous parlent de l'intrigue. Ils nous parlent, ils se positionnent en étant d'accord ou pas avec ce qui est officiel ou pas. Ils nous parlent, ils sont dans la surface, ils nous parlent des personnages comme si c'était la réalité. Ils nous font une critique de la fiction elle-même, non pas une étude du phénomène humain, jamais, jamais, jamais. Puis ce travail-là, c'est pour ça que c'est en tant qu'individu, c'est en tant qu'il va falloir le faire. Parce que collectivement, il n'y a personne au niveau de son travail, de sa carrière ou de sa vie sociale qui a intérêt à faire autrement que ce qu'on voit là. Pourtant, collectivement, nous aurions intérêt à. Mais quel individu va être assez fou et irrationnel pour sacrifier son bonheur personnel, puis ses capacités d'avancement en société, puis pour le collectif? Qui va être. En France, on est en plein laboratoire, on entend des choses comme Révolution le 10 septembre, on dirait un spectacle orchestré. Révolution le. C'est certain. Vous dites, on dirait un spectacle orchestré. Si moi, je vous dis que vous pouvez être sûr à 100% que c'est un spectacle orchestré, puis que même au niveau d'imprévus et de choses fortuites, il y a une savante improvisation, puis même, ça fait penser, c'est comme certains courtiers qu'il y avait à New York, au niveau, ils étaient même pas formés au niveau de la finance, mais au niveau de phrases clés, si le client au bout de la ligne répondait telle excuse, ils avaient déjà des phrases clés à tout répondre. C'est pour ça que je vous dis, il y a des savants improvisateurs que même au niveau des imprévus, même au niveau de ce qui est fortuit, l'agenda est écrit d'avance et il y a été envisagé plusieurs possibilités. Dépendamment de ce qui se passe, c'est telle chose qui est appliquée. Dépendamment de ce qui se passe ou d'autres, c'était l'autre chose qui est faite. C'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien fait, mais ça a pris des millénaires. Je veux dire, c'est des choses. L'être humain est pas différent de d'autres animaux liés à l'apprentissage, comme les corneilles qui se transmettent d'une génération à certaines techniques. La façon dont nous sommes gouvernés, c'est bâti sur des millénaires. Des millénaires, depuis l'époque où des cultivateurs sur les bords du Tigre et de l'Euphrate ont commencé à se laisser aller à un discours, à se laisser séduire par des gens qui disaient, ben, faut coordonner l'irrigation des terres, donc ça prend des chefs, puis ça prend un rapport avec la nature, ça prend des prêtres, ça prend ci, ça prend ça. On est encore là. Nous sommes encore là. C'est la même chose. Hein? Encore du spaghetti au menu, mais on change la sauce pour ne pas vous ennuyer, c'est ça. Parce que ces gens-là, jusqu'à un certain point, bon, il y a une cuisine, il y a un budget, bon, c'est ça, quitte à vous faire manger de la viande de la mauvaise catégorie, on la fait mijoter plus longtemps, on met des épices. C'est ça l'art de gouverner. C'est l'art d'appliquer des recettes. Donc oui, toujours la même mécanique, polarisation, désunion, manipulation, contrôle. Et voilà. Puis aussi, tri. Tri. Quand vous sortez de la masse, c'est normal aussi que vous allez voir apparaître des personnages qui viennent vers vous, qui vont tenter de vous recruter pour certaines tâches collatérales à tout ça. Là encore là, c'est d'avoir la capacité d'avoir l'intégrité. Mais là, ça dépend. C'est un choix de chacun. Donc, c'était de bonne heure, hein, aujourd'hui. 6h17. Je pense que ça a été assez intéressant. Ça a été différent. Différent. Parler peut-être plus les certains aspects encore plus subtils. Un petit peu plus subtils que d'habitude. Un petit peu plus subtils que d'habitude. Certains aspects peut-être plus en profondeur encore, de frôler encore plus la mécanicité de tout ça. À un moment donné, c'est le déclencheur, c'est tout ça en tant qu'individu. Au niveau de votre lecture, votre logiciel de lecture, de traitement de l'information, si je puis dire, au niveau de ce qui arrive en temps réel, si vous voulez voir différemment, puis ça prend quasiment un changement structurel, même au sens de votre système nerveux, il faut s'habituer à instantanément voir au-delà d'eux au niveau structurel. Donc, jusqu'à un certain point, des fois, c'est des petits coups, des petits chocs au niveau de la structure initiale de votre psychisme habituel que d'écouter un discours différent, d'écouter un discours formulé différemment, puis tranquillement, tranquillement, tranquillement, au moins avoir un chevauchement paradigmatique, c'est-à-dire avoir la capacité de voir au-delà, d'avoir une vue un peu plus large, un panorama un peu plus large que d'habitude. L'affaire, c'est pas de se convertir d'une vision à une autre, c'est au contraire d'avoir une vue plus fine, de constater certains aspects que culturellement, sociologiquement, on n'est pas encouragé ou que c'est pas là naturellement au sens social. C'est pas que des choses qui sont habituellement transmises ou encouragées. Que comment je pourrais dire ça, vous savez, c'est un peu comme les images à l'époque, là, que fallait loucher pour voir apparaître une espèce de structure cachée. C'est un petit peu ça. Donc, puis ça, ben, je le vois pas nulle part, il y a personne qui fait ça. Ou c'est des chocs, ben oui. C'est pour ça qu'au fil du temps, il y en a, ça devient insupportable pour eux, ils finissent par me détester, mais au fond, c'est des mécanismes de défense. C'est correct. Bonjour Julie, moi je m'apprête à quitter. Ça fait 1 heure, puis j'ai commencé particulièrement tôt aujourd'hui. Mais je voulais justement le faire plus tôt pour aussi être dans un état d'esprit un peu différent. Il y a la fatigue qui aide jusqu'à un certain point. J'ai eu une semaine qui a quand même pas éprouvante, mais qui a quand même été difficile dans le sens qu'il a fallu que je sois vraiment concentré, puis que vraiment que je sors d'une période d'intense observation, d'obliger justement au niveau d'une pratique par rapport à une théorie, par rapport à d'être obligé de gérer encore une certaine pression, ce qui, je veux dire, ça fait partie de tout ça. Donc, jusqu'à un certain point, l'évolution, il n'y en a pas au niveau individuel, pas au sens où on l'entend, ça prend des générations, c'est collectif, mais il y a possibilité au niveau de l'individu d'intégrer tranquillement, lentement. Donc, mais pour ça, il faut justement, jusqu'à un certain point, sortir de l'état de perception habituel. De temps en temps, un peu comme un exercice. On s'habitue tranquillement. Pas grave, je voulais me recoucher. Je suis couché tard hier. J'écouterai en replay. Oui, ben celui-là, je pense que ça va être intéressant en reprise. Particulièrement en reprise. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.